tracasse. Enferme-moi, je suis émerveillé. J'admire ta bonté au milieu de mon indignité. Quand je suis attristé, Seigneur, toi seul peux me ranimer. Les amis m'ont délaissé, mais ta grâce me permet de continuer. Seigneur, je n'ai que toi.